Next time avec I Follow Star Not Dreams ainsi que la pièce Prophet, extrait de leur album Call Hand, paru l'année passée sur Stump Record. Pis là, c'est le camarade B qui vous dit oi oi pour cette 683e émission de Skypunka. Hier, j'étais au Revolution Fest. J'ai fait toute une bonne entrevue avec les 22 longs riffs. 22 Onriff, qui, tout comme moi, était assez grippé, mais en tout cas, je peux vous dire que se sont donnés à fond pour leur show. Ouais. Ah, bon, en tout cas, aujourd'hui, côté placotage pour l'émission, là, c'est short and sweet, là, je fais ça vite parce que, m'a profité du moment que j'ai ma voix, pis que, je suis pas en train de me moucher, tu sais. Donc, en tout cas, Rude Pride, ça va faire partie du prochain bloc avec la chanson Screaming Oi. Rude Pride s'en vient bientôt avec un nouvel album, fait que checkez ça, ça va sortir le 13 octobre. Là. Après ça, Hudson Falcon avec Never Compromise, et puis Dropkick Murphys avec I Begin Again. Allez, let's go! United we stand. United we stand. United we stand. Yeah. side. Alors, c'était Dropkick Murphys avec I Begin Again, ainsi que Rude Pride avec Screaming Oi, et puis Hudson Falcon et la pièce Never Compromise. Là, on enchaîne sans plus tarder avec une des nouvelles compos de Lions, là. En tout cas, celle qui se retrouve sur leur plus récent album, là. Donc, on y va avec Trap. Ensuite, Fat Skin avec une de leurs bonnes vieilles chansons, Tomorrow Never Comes. Et puis, USCB All-Star et leur pièce antifasciste, c'est-à-dire la chanson Nazis Come Are Walking Away. Sur ce, let's go! I wish I could just run away. It's

Did I wait forever? We all skank to the monster beat, and we will never stop to fight. We will all join together. Stayed I wait forever? We all skank to the monster beat, and we will never stop to fight. J'espère que vous avez aimé ce bon vieux classique de la formation ska américaine USCB All Stars, c'est-à-dire la pièce Nazi Scum Are Walking. Et puis, au début du bloc, on avait eu Lions Law avec Trap, ainsi que Fatskin avec Tomorrow Never Comes. Et puis là, nous allons enchaîner avec l'entrevue que j'ai fait avec la formation Morgan à la Shop du Trou du Diable la fin de semaine passée, là, qui était le 30 septembre. Et puis, au cours de cette entrevue-là, eh bien, vous allez entendre les trois chansons suivantes, c'est-à-dire tout d'abord Hold Your Hand, Porcupine, ainsi que Kiss This Town Goodbye. Alors, let's go et allons-y tout d'abord avec la première partie de l'entrevue de Morgan, qui sera entrecoupée des trois pièces que je vous ai dit, puis de deux autres parties d'entrevue. Allez, let's go, Morgan. C'est une entrevue avec les membres de Morgan. Ils sont à Shawinigan aujourd'hui. Vous autres, vous venez d'où? Nous autres, on vient de Salaberry Valleyfield. OK. Qui est au sud du Québec, collé sur la frontière ontarienne. Puis vous parlez tous en français. On parle français, on chante en anglais. On est plutôt de blague, en fait. Comment ça se fait que vous avez choisi Morgan comme nom de groupe? Balaye. Morgan, en fait, c'est une race de chevaux très forts. Il est origine du Québec, puis après ça, il a été envoyé aux États-Unis pour travailler. Fait que c'est, nous, on est un band qui parle beaucoup de chevaux. Fait que c'est ça. On va aller travailler aux États-Unis. Good. OK. T'as une note, là. Hein? Alors, je suis là-dedans, ça. Ah, là, je suis rendu à dire que je vais. Toi, tu viens de où? Moi, je viens de Trois-Rivières. OK. Ouais. Comment ça? Mon émission, c'est Skype comme ça. Okay. Hein, comment ouais. Ça, pourquoi? Ouais, parce que mes parents m'ont eu ça. C'est avec mon fait, là. Puis, non, mais c'est ça, ça. J'ai mon émission depuis 2002. Là. J'étais assez fou, mais à ce temps, je suis DIY, ça va mieux comme ça. Là. Ouais. Moins de route à faire aussi. Ouais, c'est ça, ouais. OK, 1-2-1-2, pénis, brebis, chômage. C'est me replacer, pour le savoir. OK. C'est quand que vous avez formé votre groupe, puis pourquoi vous avez décidé de créer Morgan finalement? Ben dans le fond, pour un festival DIY dans notre boot qui s'appelait Punk Stock, pour le fun, on a monté une couple de tunes à aller jouer des covers. Puis ça a été un an. Après ça, on n'a rien fait pendant un an. L'année d'après, le même festival, on se rappelle, fait comme Chris, on le fait. Puis le style, c'était le même encore? Non, même pas. C'était des covers de punk rock, là, okay, etc. Okay. Puis à partir de la deuxième fois qu'on l'a fait, on s'est dit, garde. Bon, on va continuer à essayer des trucs, puis on voyait qu'on avait une espèce de son qui sortait de notre affaire qui était différent. Ouais. On s'est dit, Chris, on pense qu'on a peut-être quelque chose. Même au niveau de votre son, vous le classeriez comment? On se classifie comme du cowpunk, mais le cowpunk, c'est bien large. Tu écouterais du cowpunk sud-américain, ça ressemble pas tant que ça à nous, mais tu sais, nous autres, on se classifie comme ça. On mélange le country, le punk, on flirte avec le metal. Puis, Le cowpunk américain est influencé du vieux old school punk, street punk. Nous autres, on vient plus du 90s punk là, californien un peu, donc il y a plus d'harmonie, plus de son, d'harmonie vocale, etc., que le cowpunk américain a pour. OK. C'est bon. Là, votre nouveau disque là, qui est sorti puis qui va sortir. Sorti hier, qui est sorti hier, qui s'appelle Morgan Daly. Pourquoi vous avez choisi le nom Morgan Daly? Puis pourquoi aussi vous avez décidé Stormbreaker Irish pour le sortir? L'art des gorges, quand Morgan Daly, c'est la première tune comme Alex a dit de l'album. Puis on a vu que tout a revenu un peu à ça. On a vu que c'était comme le centre de l'album. De bar, à la place de faire des bars, on a fait un Daly. Parce qu'on fait des belles recettes de porc-épic, etc. Donc, Stump, on a toujours. On a été approché au début, quand on a commencé à faire des shows. On a été chanceux. On a été approché par Stump, puis il nous bouquait des spectacles. Il était souvent là, Matt Clyre, qui est le CEO de Stump, en fait. Et, il nous aimait bien, puis quand on a eu nos idées de tunes, il était là, il nous a dit « Les boys, je veux l'entendre avant que vous le présentiez à quelqu'un d'autre », puis comme de fait, ça a marché avec eux, puis c'est tellement, c'est comme une famille, c'est pour nous autres, ils sont gentils, ils nous ont tout le temps aidés, ils nous ont tout le temps encouragés, fait que, on voulait même pas magasiner, on est allé avec eux direct. Les tournées, ça va bien aussi? Ça va super bien. Pour la merch, j'imagine aussi? Ouais, pour la merch, ça va bien, c'est ça, l'été prochain, on va probablement aller au BC. On va revenir, on va faire une espèce de petite tournée nationale. C'est ce qu'on planifie en ce moment. Okay. Une bonne tournée l'été prochain. C'est bon. I wanna hold your hand. Let me take you to a place where the devil stands. I wanna hold your hand. Life's too short now, baby. Let's enjoy it while we can. I met an old falling apart one night. Yeah, you told me a story. Mind. So stand still and listen before I forget. It's a bombing that never rests. On a Monday morning while feeling warm, I was riding my horse in lightning storm. When the thunder fell, well, he hit me hard and he struck me right across my heart. Well, I woke up thinking why I was dead, but the discharge cursed my soul instead. And that night when I went to bed, this catchy chorus came in my head. I'm on a singing again. Once and for all. Ouais, ben vos chansons, là, ils parlent de quoi? Puis aussi, en même temps, pas juste qu'ils parlent de quoi, mais tu sais, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire? Ou pour composer de la musique aussi? Nos tunes, c'est principalement, on va se dire, des tunes de brosse. Faut que ça nous fasse rire aussi. Ça soit drôle. On n'est pas. On se prend pas au sérieux, ben. Nous, ce qui nous fait rire, on va faire une tune avec, puis. Ça va être ça. Une toune, c'est souvent quelqu'un qui a un riff, soit Sam, soit moi, soit Alex, soit Irish. On a une idée, on a une mélodie, on a un punch, on a, tu sais, ça peut être n'importe qui dans le band. On a une drôle de phrase, puis des fois, on va partir à partir d'une idée ou d'une histoire qui nous est arrivée. On va partir avec ça, puis on va délirer. La band s'est basée sur plein d'erreurs. ça a buildé comme ça. C'est toutes des affaires qu'on avait même pas, tu sais, on n'a pas cherché à faire de quoi, c'est arrivé de même, puis c'est ça que le monde a spoté, puis ça a fini par être la trademark du band. Là. OK. Ben, je donne un exemple, premier show qu'on a fait à la vie, c'était à l'Halloween. Alex, tu déguises en Irish. On l'a gardé. On a gardé ça comme ça. C'est notre premier show qu'on s'assumait en tant que Morgan, puis on s'est dit, c'est à l'Halloween, comme c'est on va tout s'analyser. Moi, j'avais une longueuille. Steve, c'était un pirate. Lui, c'était bien, un genre de pêcheur, il restait un chapeau de déguisement. Il restait plus de déguisement. Puis grenouille, princesse. Non, non, Irish. Ça avait des angles en princesse. Ça peut-être, on n'aurait pas été signé en ce moment. Ça n'aurait pas été The Princess Guy. Là, ça a été un spectacle épique. Le monde, le lendemain, il nous appelait hier. C'était. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça doit être malade. Le monde, ça tombait sur la tête, tombait sur la connaissance. C'est le monde, c'était ridicule. Ça a fait un petit show dans un petit bar local où est-ce qu'on reste. Puis qu'on a fait ça. On garde ça. On a de quoi. On garde ça. Là, on a fait l'autre spectacle. On était comme encore déguisés. Là, tranquillement, après, on a tout arrêté de se déguiser. Son Irish, il est resté. Là, on trouvait ça hot et tout. Qu'il y a un Irish guy dans notre band. Fait qu'on a fait, on garde ça. C'est bon. Chirlard de balai de. De souche. Comme bien les Québécois aussi. votre groupe, là, présentement, c'est-tu plus comme un sideline ou c'est à veille de devenir votre job officiel ou vous aimeriez que ça le devienne si c'est pas le cas? Qui sait? Tu sais, on est réaliste, là, on connaît le marché québécois, puis après ça, c'est aussi sûr qu'on chante en anglais. Donc, moyen d'aller faire plus ailleurs, mais ça reste que... On est tous des jobs full-time. Pour l'instant, on a du fun, puis si ça l'explose, ça l'explose. Sinon, on est bien content avec comme que c'est là. Faire 60 quelques spectacles par année, c'est en marche. Pour nous, en faire 300, là, c'est une job à temps plein. C'est d'autres choses. Ça, c'est comme un blanc de mémoire, là, mais il y en a un autre band folk punk sur Stamp, là, qui sont dans la région de Vancouver. Là. The Dreadnoughts. Ouais, Dreadnoughts. Yep. Puis, fait que finalement, vous autres, là, vous aimeriez que votre groupe reste comme ça. Ben, mettons une petite coche un petit peu moins, tu sais, en ce moment, ouais. Ça serait parfait. Ouais. Juste un peu moins. Hey, c'est le Matt Cooler. Non. On veut tout que ça l'explose, tu sais. On a tellement de fun d'en faire ce qu'on fait. Faut être réaliste dans le style réaliste. Qu'on fait aussi. Là, c'est pas un jeu, c'est. Tu sais, on fait pas de la pop. C'est commercialisable, qu'est-ce qu'on fait. Mais ça reste du punk et du country, tu sais. Fait qu'il faut être réaliste quand même. Si le monde c'est arrête ça. D'écouter de la musique de marbre, ça peut peut-être marcher notre affaire. Arrêtez d'être Snapster, est-ce acheter des albums? Ça, c'est bon. Tu sais que ça va être écrit, cette article-là? Oui, des tournées, ouais. Est-ce que vous aimez ça, être en tournée? Étourdi, non, mais en tournée, oui. Vous tournez trop. On adore les tournées, mais on. C'est rough. On n'est pas bon. On est victime, en fait, de ce qu'on. D'être pas sortable. Des tournes qu'on écrit, tu sais. Okay. On n'est pas capable de pas. Pète à la face une soirée dans un spectacle. Quand on se dit qu'il faut vraiment pas qu'on se pète la face, c'est la plupart du temps quand on se pète le plus la face au monde. Fait que... Maman, écoute pas ça. Mais, mais non, on adore ça. Ouais, mais c'est le maximum là, de jours que vous avez fait là, de suite pour une tournée. Ah, là, c'est pas grand chose. 5-6, mettons, ouais. Une semaine. Mettons 7 jours. Ouais. 7 jours, puis à la fin, on a. Pour vous non, mais tu sais, c'est des. À partir de 3 jours, on n'a plus de voix. On veut tout mourir. Mais vous avez pris congé au niveau de vos jobs. Ouais. On est capable de genre des trois shows, une couple de jours off, deux, trois shows. On peut faire des deux semaines de tournée, trois, quatre fois par année, mettons, en ce moment. Puis éventuellement, si ça arrive, on va peut-être prendre un mois cet été ou quelque chose. Que là, on va voir comment que ça se passe. On est encore tout à fait nouveau avec ça. On est en training camp. Présentement, vous autres, dans le fond, ça marche plus au niveau québécois, canadien, régional. Je dirais régional. Là, pour l'instant. Non, par ici, c'est good. Non, pour l'instant, ça va bien au Québec. Puis, on commence à avoir des messages un petit peu partout, à des places aux États-Unis. En Europe, l'Europe, on y pense beaucoup. On va probablement aller en Europe avant d'aller aux États-Unis, en fait. Okay. Parce que c'est plus accessible pour nous. Ouais. Puis, ça coûte moins cher, en fait, pour un groupe. Le premier album est indépendant, il n'y avait aucune visibilité. C'est sûr qu'on ne reach pas super loin. Internet un peu, mais pas de temps en même temps. C'est dur, il y a tellement de bandes à aller chercher sur le net que c'est chanceux de tomber sur telle bande. Mais on a 15 000 clics sur notre vidéo. C'est ça, ça on a un vidéo clip avec 15 000 clics dessus. Là, c'est sûr, là, on a, ça fait une journée que l'album est sorti, qui reach pas mal plus large. Fait qu'on voit déjà un petit peu tranquillement pas vite que ça va commencer. Fait que c'est ton. On va le voir avec cet album. Là. C'est ouais. Ça, on va le savoir dans le prochain mois. De fil en aiguille en tournée, on a ramassé des Suisses, des Français, un Anglais. On sait des contacts européens, papa, puis ils nous disent il faut que vous venez dans mon village en Suisse. Oh, ouais. Je vais tout vous arranger ça. Je vais vous bloguer. Sûrement que ça pognerait aussi. Salut Quentin. Ouais, Quentin. Un fou d'une pioche. Un fou d'une pioche. Mais groupe, ce que je cherchais tantôt, ça m'est revenu. C'est fort. Fire Next Time. Plus fort que ça. Oh! Fire Next Time. Oh! C'est Fire Next Time. Fire Next Time. Yeah! Yeah! Okay. Je connais pas ça. Non, ça me dirait. Sérieusement. C'est du fun, ça. Ben, c'est justement, c'est parce que genre, ils pongent juste avant, mais c'est bizarre. Ils sont sur Stone, puis ils pongent plus à l'extérieur du pays qu'ici, mais ils viennent là, de l'Ouest. Là. Ouais. Okay. Et en Europe, puis en Russie surtout, c'est lui, en tout cas, le chanteur, il catchait pas trop pourquoi. Mais en Russie, ils remplissent des salles vraiment géantes. Il n'y a rien à comprendre en Russie. Mais moi, je pense que c'est ça qui va nous arriver. Un jour, on va tous aller rester en Russie, puis on va être vraiment big in Russia. Russie ou Rodin, un des deux. Un des deux. Mais on parle de ça. Mario Pelcha, il est big au Maroc, là, tu sais. Moi, ça fait une couple d'années que j'ai un petit projet secret. Je prépare une espèce de Tetris 3. Je pense que ça pourrait peut-être être bien bon en Russie. Mon sideline. Nothing beats the old sweet taste of porcupine. Sweet taste of porcupine. It's a taste that sets me free. If you're ever looking for something to eat, why say come on here and take a seat and I'll show you how to cook porcupine meat. Bands wrapped in a fine porcupine cut his throat. They lean for about an hour at the most and now you got yourself porcupine roast. Well, I was born being cowboy. I'm a dirt just like a cowboy with a bullet down the middle of my brain. Oh, I die, won't you mind make me a piece of porcupine? So why could I break? Nothing beats the old sweet taste of porcupine. Sweet taste of porcupine. It's a taste that sets me free. Nothing beats the old sweet taste of porcupine. C'est la première fois que vous venez jouer ici? Achat oui, première fois. Oui. Première fois en fait à Chaoui, puis je peux dire que. C'est ça, pour la dernière. C'est qui vous en a parlé, la place? Ben, trop bizarre, on connaît la bière, on connaît toutes les bières. Tous les groupes en fait qui nous ont dit, vous allez. Demain en fait, on enregistre un vidéoclip. Fait qu'il faut qu'on parte suite après qu'on joue demain à 6h30. 6h30 le matin. Fait que, tu sais, normalement, on resterait jusqu'à 4h du matin, jusqu'à temps qu'on meure. Mais là, on va, après notre spectacle, on va partir. Puis tout le monde qu'on disait, faut qu'on parte. Tout le monde disait, vous allez tellement avoir du fun, vous voulez pas partir. Les autres groupes, tout le monde aime ça jouer ici, je pense. C'est comprenable. Une bonne réputation, vraiment bonne. En tout cas, la bouffe là-bas, là, tabarnak. Surtout la bière, en plus. La bière. Oui, mais là, on passe à là. Dans vos chansons, là, laquelle est votre préférée, puis pourquoi? Des nouvelles, on peut y aller par album. Oh, ça peut être des nouvelles. My Heart Would Go On. Pourquoi? Parce que. C'est Céline. Dans nos chansons. Dans nos chansons. Dans vos chansons. Ah, c'est dur, tu sais, là. Moi, je suis complètement impartial par rapport à ça. C'est une chanson que vous jouez sur le stage, mais vous savez que le monde va embarquer. Ben, c'est une nouvelle chanson, on expérimente, là. Fait qu'il y a des tunes qu'on joue, on voit la réaction du monde tranquillement. Ou des tunes que vous pensez que c'est celle-là, parce que. Il y a des tunes qu'on pensait qu'ils marcheraient, puis maintenant, on les haïsse. Il y en a d'autres. Exact. C'est comme demander laquelle de tes ex que tu préfères. Ouais, c'est évident. Non, moi je suis pas mal impartial. Je les aime toutes en fait. J'aime toutes les jouets. Il y en a pas vraiment une que j'aime de plus que j'aime plus que l'autre. J'aime toutes les jouets, puis je pense que c'est un peu notre force. Moi j'ai un coup de cœur, Kiss This Town Goodbye sur le nouvel album. Je l'aime bien. French là-dedans. Je sors avec. C'est bon. J'aime beaucoup parce que. Notre... À chaque fois qu'on la joue en show, ce tune-là, notre drummer il se plante pis c'est drôle. Là. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui l'ai composé. C'est une beat, fait que j'ai le droit de faire que je veux. Ah, c'est vrai. Ok, c'est bon. On te bat? Finalement. La bande, c'est... Okay. La bande. Right. Finalement, parce qu'on en arrive à. Tu la bande, toi? Ouais, finalement. Quelle sera votre prochaine ville où vous allez jouer? Sherbrooke, le 14 octobre, au Murdoch. Avec ça va virer des gars de la place avec un corbeau. Je sais pas quand l'entrevue sort, mais petite primeur risque d'avoir parce que notre CD sort une semaine après, fait qu'on va pratiquer avec notre pianiste puis un autre guitariste probablement ce spectacle-là. Le lancement est au petit campus à Montréal le 27 octobre. Mais votre pianiste il est pas là. Notre pianiste est pas là aujourd'hui, mais il a joué sur notre CD. Puis on s'est dit, Chris, on veut pas aller à la cave pour le show, il faudrait peut-être qu'il vienne, il y a un show avant que t'as pratiqué, fait qu'on va l'amener à Sherbrooke pratiquer, fait que ça va être un show spécial. Le pianiste du groupe Cirrhose et Cendrier. Excellent Cirrhose et Cendrier. Quand je pense à ça, on n'en a pas parlé, fait que votre album, ben, on en a parlé une zone, mais pas pendant l'entrevue. Votre album sort en MP3, en CD puis en vinyle. Ouais. Pas sûr. Ouais. Il est disponible sur toutes les belles plateformes Spotify, Spotify. Il y a une genre de couleur spéciale pour le vinyle ou... Ouais, on a un beau blanc marbré. Okay. Puis on a aussi un rouge rouille. Marbré. On tire un peu sur le brun. Ça, c'est en édition limitée, puis après ça, c'est en noir. Exact. Si pour m'acheter, tu peux acheter puis les faire livrer direct chez vous sur Bandcamp, notre Bandcamp. Sinon, tu viens de voir en show, mais tu t'en prends un direct. C'est limité, c'est... Mais va pas sur Napster. Non, MySpace aussi, dude. Fini MySpace. Même Tom, il est plus MySpace. Mais à Star, tu peux nous suivre sur Pinterest. On a Pinterest. Et puis LinkedIn. Pinterest, vous avez perdu. Puis LinkedIn. Puis le monde à Ben Camp, là. Ça passe pour les filles qui veulent chercher des affaires d'Hélène. Ah, ouais. On appelle ça du Moltonnet. Lettre d'autre. Lettre d'autre, même. Bon, on se lève. Yo, merci. Party! Un mot final, le gars de la chaîne, ça, voudrait dire un petit mot avant de finir? Hey. Il y a du... un homme de très peu de ça, mots. Ça, c'est ma voix de personnage, Pat. Faut qu'on te trouve au jour. Hey, merci beaucoup. Hey, merci, ça fait plaisir, merci. Tantôt. Ouais. Well, we may not save for tomorrow, but we sure have enough for tonight. And if we need more, we can borrow. When we'll kiss this town goodbye. Going, you know that drink is mine. And hey, what do you think you're doing? You know you gotta give it up sometimes. And hey, what do you think we're saying? You gotta keep an open mind. And hey, where do you think we're heading? We're headed for the mountain high. this town goodbye. You know that life's a short trip, but it's a long, long ride. Long, long ride. So hang on to your ship, or else you know you'll get buried alive. Buried alive. 'Cause the stronger you hit, the longer you slide. Woo! Well, no matter who you're with, you know that we're all bound to die. Well, we may not stay for tomorrow, but we sure have enough for tonight. This town goodbye. Think you're going? You know that drink is mine. And hey, hey, what do you think you're doing? You know you gotta give it up sometimes. And hey, hey, what do you think we're saying? You gotta keep an open mind. And hey, hey, where do you think we're heading? We may not save for tomorrow, but we sure have enough for tonight. And if we need more, we can borrow. And we'll kiss this town goodbye. Well, we may not save for tomorrow, but we sure have enough for tonight. And if we need more, we can borrow. And we'll kiss this town goodbye. Alors, c'était Morgan avec la chanson Kiss This Town Goodbye. Et au début du bloc qui vient de jouer, on avait eu bien sûr la première partie de l'entrevue avec Morgan, suivie de la pièce Hold Your Hand, ainsi que la chanson Porcupine. Puis je peux vous dire que Morgan en show, là, c'est super débile et écœurant. Sérieusement, c'est vraiment bon. Maintenant, on enchaîne avec une autre entrevue que j'ai faite à la Shop du Trou du Diable la fin de semaine passée avec The Creep Show qui présentait leur nouvel album avec bien sûr les avec Morgan qui était là en première partie là, mais il y avait aussi c'est ça Creep Show en grosse partie, donc bref, c'était vraiment un super de bon show parce que quand t'as deux bons bands en même temps, là, c'est vraiment le fun là. Surtout à la Shop du Trou avec le bon avec la bonne bière là, puis son parfait, tu sais, c'est comme ambiance parfaite. Yes! Donc, pour Creepshow, on va tout d'abord entendre la première partie de l'entrevue, ouais, c'est ça, qui sera suivie de la chanson I Take It Away. Après ça, eh bien, on va avoir une deuxième partie de l'entrevue avec la nouvelle pièce, puis après, ce qui va suivre, là, c'est la nouvelle pièce Blood, Blood, Blood, qui se retrouve sur le nouvel album Death at My Door. Puis, ensuite, là, une troisième partie d'entrevue avec The Creep Show, puis une de leurs anciennes chansons, là, Dusk Till Dawn. Pourquoi? Parce que le claviériste voulait l'entendre. Puis elle est bonne en plus. Sur ce, allez, allons-y avec les Creep Show. Ok, bon, ben bonjour tout le monde, je suis en entrevue avec les membres de la formation Creep Show qui viennent nous présenter ce soir leur tout nouvel album, Death at My Door. So, first of all, when did you form your band and why? We've been around since 2005 actually. So 12 years now. It's a lot. Yeah, it is. Longer than any relationship I've ever been in. Yeah, me too. Why one day did you decide to go on Stump Record? Oh, Stump Records. Yeah, yeah. We've been friends with those guys for a long time, and actually, when our first album came out, we were opening for the Plant Smashers, and they had they'd never seen us before, And Matt angrily came up to myself and McNabb, the bass player, later, and was like, "I fucking hate you guys. I've known you guys for how long? You have an album coming out. You don't even give us a listen first." So then once the first album was done, the label that we were on weren't really able to put out a second one for us, and so we went to Stomp, and they're very very happy to have us, and vice versa. Yeah. Because now you have 4 albums on Stomp Records. This is the 4th on Stomp. Yeah. Okay. And it's your 5th album. Yes. But overall, the 4th on Stomp. Yes, and actually Stomp is actually going to re-release the first album too. Oh, yeah. So soon it'll be 5 albums on Stomp. Do you know when? Actually, it might already be out. Actually, I think they're going to put it out at the same time as Death at My Door, but I haven't heard anything. I feel like we should know that. Okay. I just show up. Why did you name your band Creepshow? It was really just like the best band name on like a sheet of like on just like a napkin like that we were throwing around. There wasn't really any thought behind it. We just thought it sounded cool. Yeah, and plus I do love the movie Creepshow, but yeah. The first one, the second one is horrible. And it's a good name for a psychobilly band. Yes, it fit the bill, yeah, as it were. Okay. Did you have a lot of people yesterday in Montreal? We did. Get really good. Every time we play Montreal, it's always like pretty full and always really fun. Even if they're like the rare time that there isn't a lot of people at the show in Montreal, they're like the wildest people, mm-hmm, that just to ever show up at a show. Like yesterday, there was a song and it was kind of like slow, but at the same time, it was like, it was a harder song. It was like slow motion mosh pit. I was like singing and staring down at the crowd, and it's like I was like watching people. It was almost like a music video. It's like watching people slowly fall and slowly hit each other. Moshing in tempo. It was beautiful. It was a beautiful sight. Yeah, but it was insane. It was insanely fun. What do your song talks about, and where did you find the inspiration for your song? Well, it depends on which album you're talking about. Yeah. I mean, every time Kendra wrote the majority of the lyrics on this album. Except for New Kings, in which Gianti just wow. All the album. That's right. For all the albums. On all the albums. Yeah, yeah. Life in general. Yeah, this album was life in general, I think. The last album was just things like that were going on. Yeah. Going on in personal experiences. Yeah. And the third album's kind of like it sounds like a revenge album if you really listen to the lyrics. Yeah. Like, wow, we certainly had a problem with somebody. And then it just sort of depends on the time that we've written the songs, every album is different. Not all of them are the same. Mm-hmm. In terms of like what we're writing about. So I collect mean, them all. Gotta catch them all, Pokemon. So it really depends. Like, I mean, I can't speak for Run for Your Life or Sell Your Soul or They All Fall Down. However, I mean, like the last album, Life After Death, is different from Death at My Door in certain aspects of what we're writing about. Gianti had a lot to do with Life After Death as well. So, I mean, it all depends on... You can't specifically talk about all of them. I'm sorry, not specifically. You can't generalize all of them into one. It's different for everyone. Didn't deserve dramatic irony that no one heard. Baiting in the tragedy we couldn't ignore. Comedy of errors where the ending is your own reward. Are you the fool who will be king? Or just a know-it-all who doesn't know a thing? Small time pretender takes a throne. take it away. It was hard for you to take the place of the old singer? No. Or no? No. People were actually surprisingly very welcoming. I mean, you're going to get your random people that have their opinions, and that's mm-hmm. fine. I mean, you know, both Jen and Sarah are very talented, and I didn't want to be Jen and Sarah, and I didn't want to replace anybody. Because you have to be you. Yeah, exactly. Oh. You gotta well, really, exactly. And you sing well. Thank you very much. Appreciate that. I saw you at the 77 show. Montreal, yeah. Yeah. Oh, that awesome. Was fun. Look, you were very good. Thank you very much. Appreciate it. Yeah, I've heard a lot of people say that Kendra's is their favorite singer that we've ever had. But then I also hear a lot of people say like, oh, I prefer the old singers. But they still come out and they still buy the albums and they still like kind of they just prefer one or the other. But. And that's fine. Like everybody's entitled to opinions and preparations. Like you don't have to. I'm not saying you have to like me. Like you don't. Mm-hmm. You really don't. I don't. It's you know we appreciate fans and friends in general if they're still coming out and they're still supporting. Mm-hmm. You have your opinion. You're completely entitled. And we're not going to tell you because you play good music. Yeah, and we get to do what we love every night. So really, like, mm-hmm. an opinion is an opinion. I actually, so I recently figured this out, and when we were first when Kenneth first joined the band, I was really worried because all I could think of was Van Halen's third singer that mm-hmm. no one liked. And then you realize you're not Van Halen. Mm-hmm. Well, yeah. But like... Just kidding. But just like I was afraid that there was like a third singer curse or something. Okay. And because no one liked that guy, apparently. And but then... And then years later, Kenneth's been in the band for at least 3 or 4 years at this point. Five. Well, no, this is a while by ago. By the time, yeah. Okay. And I was listening... I was getting tattooed by Angus... there was music playing on the stereo, and it sounded familiar, but like I couldn't quite place it. I was like, "Who is this?" And Angus was like, "Oh, that's Black Sabbath." I was like, "But that's not Ozzy or Dio. Who's that singing?" Mm-hmm. He's like, "Oh, I think Black Sabbath had like four singers." I was like, "Four? I didn't even know they had four singers." Mm-hmm. And then I researched it more. Black Sabbath had 9 singers. Yeah, 9. That's fucking crazy, and not all of them were on albums. I think only 5 or 6 were on albums. Like some of them, like they would get a singer and tour with them for a year, and then just not record with them, and then they get a new singer. So, but I had no idea. So bizarre. Yeah. And here I am worried about singer number 3. Fucking Black Sabbath went through 9. That's crazy. Too much crazy. Yeah. So, do your band is now more like a job, or it's still like a sideline? It's a job, but it's the best job I've ever had in my life. It definitely doesn't feel like a job. It feels like I get to hang out with my family and play music every night. So it's your first job now? Sorry? So now it's like your principal job? No. I have a warehouse job at home. When I come home, I work a regular. And for the other member of the band, Sean also works at. He works for a party company. Yeah, yeah, like a party, like an events rental place. Chuck does open mic nights and bartends every once in a while. Sandra works at. I don't even know what Sandra does anymore. He does screen printing for screen printing, with Colin from the Greens. Oh, does he? Oh. And would you like to one day only work for your band, just being tour? I feel like I would be so bored when I get home. Like, I don't know what I would do. So I'm like, well, I might as well just make some extra money. Yeah. I am definitely okay with doing nothing when I get home. Yeah. Do you like being tour? Yes. Oh, yeah. It's wonderful. I mean, the best part about it is that, like, we have become such a family that we're always taking care of each other. And we've, a lot recently, too, in the past like, couple of years, have had a lot of really good laughs. And just in general, just had a great time. And we've been very fortunate to be touring with bands that we end up just becoming like completely close with. We just recently did a tour in February for a month with a band called Gallows Down. Okay. From West Virginia. They're from Virginia, sorry. Yeah. My family's from West Virginia. They're from Virginia. So they're your family's from the Philippines. No, I have family in West Virginia. Do you actually? Yeah. Oh, I had no idea. Yeah. But we're pretty fortunate that we get to tour with bands that we just immediately become really good friends with and bond with, and we haven't had a tour with a band that we've not liked. Yeah, we did a tour a few years ago with the Phenomenauts from. Oh, they're amazing guys, and like probably one of my favorite bands too. Yeah, that's a good band. Yeah, but you come from Virginia. I have family, my cousins, and my aunt. But you live in Canada. I live in Canada since I was four. I moved from the Philippines. Okay. Yeah. Yeah. But some of your family live in... I got family in California, family in the Philippines, family in Virginia. Okay. Yeah. Because you have the English-Canadian voice, and not the American voice. Thank God. Kendall, this one, it's for you. It is hard for you to be a girl with... No, reverse. Okay. It is hard for you to be a girl with five... guys in a band? No, not with these guys. Okay, these guys, they are cool. Yeah, and I mean, I grew up with three older brothers, and I had a majority of like guy friends, so I was used to being around guys. But these guys make it very fun, and like I love that they don't hold back. Like anything that they have to say, they'll just flat out say it. They don't sit there and go, "She's the girl, so we have to be different." And I was like, no. Like We make fart jokes and poop jokes, all kinds of fun things, and like I join in the fun. It's not different at all. The guys sometimes are like, "Oh, Kenda's it's okay. It's just Kenda." Like it's not a big deal. It's just Kenda. Who cares? Among your song, do you have a favorite song? Oh, on any album? Yeah. Like to play or just to listen to? Both. I don't like any of our songs. All of our songs are unlistenable trash. Yeah. Garbage. I'm just kidding. I don't know. We just took out the set list, but I love playing Dust Till Dawn off of the third album. But as far as like, but listening to... I really never thought about that before. Mine would be Blood, Blood, Blood. Oh, yeah? Yeah, I really like the... Yeah, it's a good song. Yeah. Their first one, too. Death at My Door? Yeah. I'm stuck. I'm like, playing Dust Will Dawn, but listening to... I really like... New Kings, since you're singing. No, that's Last Call. That would be tasteless for me to say that's my favorite song. Is, to. God, I love my voice. The thing is, like, I'm saying I like blah blah blah, but I'm also the one singing it. Yeah, but I can't really like that's. But you didn't like. You call me tasteless, boy. but like you can't. I don't have a choice. Yeah, you don't have a choice. Like you sing all of them. I could have said. My favorite song was to New Kings or Last Call. Well, you did you? Well, but now that line's been drawn. Just so straight, you need some work into maybe Take It Away from Life Take After It Death. Take It Away is a good one too. I really like listening to that one actually. Well, when I play that one, I actually like if I listen to that album, I actually replay that song a few times. Oh, yeah. So I would say Take It Away. And tonight, do you will play your last new song on the last album? No. Why? We. It's a good song. It's we. We keep forgetting to bring an acoustic guitar with us. Yeah. And and we've already got three new songs from the new albums that we're playing tonight that we found were like best fit for our set. So yeah, we're gonna keep that one for another time, I think. Made the grass grow, they said blood, blood, blood. It wasn't my tears that turned the soil into mud. All these days we run around, all these days we run. Woman, the sunshine, it was love in your eyes. Like all good things, the darkness comes and it dies. We saw more. You play here in Shawinigan? First time for me. First Sandro time. Has played here before. Okay. With one of his other bands. I just like saying the name Shawinigan. Shawinigan. It's a fun name. Yeah, Shawinigan. Yeah. Sometimes you're Shawinigan. Sometimes you're Shawinigan. Shawinigan. Yeah. It's I've actually been looking forward to the show for a long time because True to Diablo, and I'm not just saying it because we're here. True to Diablo is actually probably my favorite brewery For sure in Quebec, possibly even Canada. Yeah. So you had this like date like marked in your calendar. Yes. You were ready for this. You're like, guys, let's call it right now. I'm not driving. This is my Graceland. Yeah. Yeah. It's a good place to get drunk. Mm-hmm. and seriously, it's just like Coup de Diable makes amazing beer, like amazing selection. Beer connoisseur. I'm a beer snob. I'm a one beer snob. And they have a lot of a big selection. Oh yeah. Well, and that's like that's what impresses me about them is that. And they add more beer at the bar than the beer that they sell outside. Yes. Yeah. That's right. Well, yeah, like that's what impressed me most about them is that they do like the first beer I had when I got here was a Rauch beer, so like a smoked beer. Yeah, and that's a very niche beer from a very small part of Germany, and so to do a Rauch beer in Canada so well is really impressive to me. Mm. And the Imperial Stout is very good too. Yes, yeah. I've had that before. I can't remember where I bought that, but I found it somewhere in Montreal, and I drank the hell out of that. It's an amazing beer. Yeah. Finally, which city is your next step for this tour? We're playing two nights in Toronto. Yeah, we're actually just doing weekends right now, and then we do our two shows, our CD release in Toronto twice at Friday and Saturday back-to-back next week at the Bovine. So the 6th and the 7th, we're going to be in Toronto. Okay. And then we leave for our U.S. tour. We're playing with Reverend Warden Heat at a winery, which is weird. Mm-hmm. That's going to be an interesting one. I don't know how people drinking wine are going to enjoy us very much, but we're going to try it out. This is our second brewery show because we played a brewery in Michigan before. And so this is our second brewery show, our first winery show. Yeah. People are going to be eating wine and cheese and then getting blasted in the face with hard music. I'm gonna get blasted in the face with wine. In the face with wine. You're gonna find Casey in a wine barrel. If they have a wine cannon, oh my god. I had a flash before we stop this. Do you have on a week? Do you have a day that you prefer to play a show and some day that you don't want to play a show? No. Every day is an awesome day. Oh, sorry. So all the day can be good, like a Monday, a Tuesday, or... I mean, in terms of, like, crowds and stuff, weekdays are always pretty hard because people have work, but a lot of our friends are quite the rebellious... We have quite the rebellious crowd, so they don't give a shit if they have... The amount of times that Sean's been like, how many people have to work tomorrow? Like, the whole crowd's like, yeah! We're like, oh, shit, sorry, buddy. We've had... Some of our best shows have been on weekdays. Yeah. We played Montana for the first time ever on a Monday, I want to say. It was a Monday or a Tuesday. And, I mean, there was only 50 people there, but it was our first time in Montana, and it was a Monday. Yeah. That's crazy. Right. You'd be surprised. Shocked the hell out of me. Some people just don't give a shit. They're like, oh, okay, well, this Canadian band, or we're traveling from the U.S. or in Europe. Like, oh, well, this Canadian band's here for this night, so we have to go. Yeah, we I think we only ever play Frankfurt, Germany on a Monday. Yeah, and every time we're there, it's incredible. Yeah. Frankfurt is a... Because in Canada, in the city like Montreal, it's always better to play Friday or Saturday. Yeah, there's some places that are like that. Yeah. Here too. Well, and that's what, because we, every time we go somewhere and play on a Monday or a Tuesday, people, like whether it's the bar owner or like our fans, they always go like, oh, please come back on a weekend. Yeah. But they sort of don't understand that, like, if you're on tour, like, you can't only play weekends because you have to, like, unless you're staying in the middle of nowhere for 4 or 5 days, like, you have to keep going. Days. Yeah. You can't just hang out for a week. Days off on tour is, like, just pissing away money. So, like, we prefer to not have any days off at all. I mean, I know it's exhausting. Maybe not at all. It's nice to have one or two. Maybe one or two, but, like, there's times where we've been booked shows and like one day, like we get like 2 days off and you're like back to back and you're like, why? Right. Because then you're just spending money. You're like, okay, we're going to buy a hotel and then we're going to buy food with our own pocket money. And like, and you have to sleep too. Yeah. Yeah. Well, and it's fine too. Also, if you're in a city that you've never been to before, and then you can see it. Mm-hmm. But for some reason, a lot of our days off are in cities in Europe happen in Cologne, Germany, and I love Cologne, Germany. Yeah. But I've seen everything there. Like, there's nothing more I can see there. The first time I ever went to Cologne, we went and saw everything. We went to the Cologne Dome. We saw the Lock Bridge. Yes. We've been everywhere, and then. So the next time I was there, I was like, I'm excited to see it again. Yes. But like, however, I'm like, all right, well, I'm just going to sleep because I'm exhausted. Yeah. Yeah. Yeah. Like after 5 times of seeing Cologne, it'd be nice to have a day off in a different city that I don't know. So I can explore that city. Yeah, exactly. Again, nothing against Cologne, Germany. No, but I mean, like, we love you, Cologne, if you're listening. Ich liebe Köln. But yeah, it's nice. It is nice to see new things. Yeah. So tomorrow, you will go. We're gonna drive to Montreal, drop some people off. Not visit some place here. We might. Depends on what everybody wants to do. I mean, like, the difficult thing. La Mauricie is there. It's a very good place to relax in the wood. Oh yeah? Yeah. Oh cool. Le Parc National de la Mauricie. Yeah. I could be into that. Yeah. I'm a woodsy person. I love being out in nature. You're so woodsy. Park. With fall in the wood. But the difficult thing is, like, you can't really just do what you want because you get an entire band to think of. You have six other people or five other people or four other people like to right now we got a few people in the bus, okay? Yeah, yeah. We got two extras. But like, you really got to think about what everybody wants to do. And like, some people just want to go home. Ginty and Sandra live about an hour and a half away. So maybe they just want to like go relax and be with their, you know, friends or whatever. And then there's like me, where I'm like, let's explore. Let's go on an adventure. Yeah. So we will have to go see the Morgan now, because I think they are playing. Yeah. I think they just started. Yeah. And we played. So it was awesome. Thank you so much, Brian. Thank you. Yeah, nice meeting you. Thank you. That was easy. All alone. Another sleepless night. Time to swallow all that pride. Or just sit here wasting all your time. Give up on the unknown. And it's deceiving when you're up and down and out again. You never learn just what it's all about. Change your thing. Eh bien alors, j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec la formation Creepshow. Ah, en tout cas, je peux vous dire qu'en show, là, ils étaient excellents à la chope du Trou du Diable. Je les avais vus aussi récemment au Festival 77 à Montréal là, cet été. Là. Mais, tu sais, entre une grosse immense scène puis une petite salle, là, c'était différent. En tout cas, je peux vous dire qu'ils gardent le contrôle avec leur public tout le long. Même chose pour Morgan, j'ai oublié de vous le dire tantôt, mais Morgan, c'est excellent en show. Là, on continue en musique avec un groupe là, qui était présent à Montréal hier, c'est-à-dire No Time. Et eux autres, là, ils bougent tellement sur scène là, que j'ai zéro photo que j'ai été capable de prendre comme il faut, mais je peux vous dire que c'est excellent. Ça, No Time, si vous connaissez pas ça, c'est du high hardcore avec des skins, des punk, des metal, puis ça brasse, c'est vraiment bon à voir, à écouter aussi, là, mais c'est un band qui est aussi bon à voir en show qu'à écouter en CD ou en vinyle, mais reste qu'en show, ça garoche, là, tu sais, voir le ce qui sort de puissance de voix de leur chanteur qui est tout petit, là, c'est vraiment hot, ouais. Donc, on va entendre pour eux autres Make No Mistake ainsi que Shit Society. Après ça, un autre groupe qui malgré le fait qu'il était grippé hier, on se sont vraiment donné à cœur joie sur scène, là, les 22 longs riffs. Donc, très bonne formation bretonne. Puis, c'est ça, là, ils débutaient leur tournée nord-américaine hier à Montréal au Revolution Fest. En tout cas, c'est excellent. Parlant du Revolution Fest ce soir à Montréal, ben, il y a Syndrome 81. Pour Syndrome 81, qui fait partie du prochain bloc, là, on va entendre la chanson Désert urbain. Alors, pour les 22 longs riffs, je pense que ma grippe m'a fait oublier de vous dire la pièce qu'il va jouer, c'est droit devant. Sinon, ben, je me répète. Puis, en tout cas, on va terminer ce bloc-là qui s'en vient, hein, avec Dur Cœur, qui sont eux aussi ce soir au Revolution Fest à Montréal, au Catacombe, là. Puis, on va entendre la chanson Mensonge, qui est extrait de leur plus récent album, qui est sur Dure Réalité, là, qui s'appelle Dur, Dur, Dur. Yes, parce que sur cœur sont durs. Sur ce, musique. What's wrong with you? sur la vie. Aujourd'hui comme demain, dans ce désert urbain, ce désert urbain, ce désert urbain. C'était Durcœur avec Mensonge. Puis au début de ce bloc, on a eu No Time avec Make No Mistake ainsi que Shit Society. Ça me fait penser que comme j'ai leur nouveau 7 pouces qui contient 6 tunes, ben dans les émissions, après, dans les prochaines émissions, là, il va y avoir du nouveau No Time. Après No Time, on a eu les 22 longs riffs avec Droit Devant, ainsi que Syndrome 81 et puis Désert Urbain qui eux sont présentement en spectacle à Montréal ce soir. Bon, tout dépendant quand mon émission va sortir, si c'est à soir, demain ou lundi. En tout cas, bref, ce qui était important de savoir, c'est que présentement, là, on est samedi, puis qu'on est le 7 octobre. Ouais. En tout cas. Donc, on se laisse aujourd'hui avec Spanner et puis la pièce Frightened of Revolution. Qu'est-ce que je dis là, moi? Avec Frightened of Freedom. Après ça, on va avoir Talco avec leur chanson St. Pauli, version allemande. Et puis après ça, 8.6 Crew avec Dub Control, qui est la version dub de la pièce Control sur leur tout nouvel album. Puis après ça, Quartier Libre avec Vive le Tour live. Sur ce, bye bye tout le monde et à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Punka, émission dans laquelle vous allez pouvoir entendre beaucoup de nouveautés, dont tout d'abord du Brésil, la formation Bad Luck Gamblers, aussi Ibrahim et les Dompteurs de Tigre, puis pas mal d'autres choses, là. Ouais. Ah oui, la cassette de Syndrome 81. Quoi d'autre aussi, là? En tout cas, c'est ça. Bye bye. À la semaine prochaine, tout le monde. J'ai plus de voix. Straßenrand, ein verrückter Bestreit gegen den Vorrang der fremden Feindlichkeit. Gemeinsamer Gesang und Lieder folgen viel, gesungen von Chören, beladen das Lebensviel. Sie tanzen auf der Runde, glorreiche Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollon. Sie tanzen auf der Runde, glorreiche Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollon. Gegen Phrasen und Agonie, aus der Hule wieder auf der Blut an der Peripherie. Gesängen beladen des Lebens Willi, fröhliche Vollwert der Ränke des Ampalin. Sie tanzen auf der Runde, glorreiche Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des Ampalin. Sie tanzen auf der Runde, glorreiche Vergangenheit, Kinder der Erinnerung. gegen den Vorgang der fremden Feindlichkeit. Gesängen della Vende, es Lebensfili, fröhlichen Ballwert, der Engel aus Ampalé. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erin, die Rumpiraten aus Ampalé. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erin, die Rumpiraten aus Ampalé. I'm falling. Allez Guibat, fais les pédaler, bordel. Tu me fais rêver. Comme dans ton bloc, les routes de bourrées sont pas de bon goût. C'est la grande messe du vélo, la grande messe de l'EPO. Les passionnés de bicyclettes seront pris pour des courgettes. Par ce grand cirque médiatique qui génère un tas de vie. Road boy, road girl, Rabadon Frontline. Le prologue, on y sent déjà la drogue. Pour attendre des matocrites supérieurs à la limite. En plus de petit déjeuner, une bonne piqûre dans le fessier. Et au niveau du taux d'hormone, il n'y a pas qu'un maillot jaune. Rudy Root Power. Lolo lolo. Joli. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Chute dans le peloton. Vivons ce soir la bonne injection. Ma journée chargée. La montée du calibre. Tigida, tigida, tigida, tigida, tigida, tigida, tigida. Comme tous les ans on bloque les routes de peau, elles sont pas de bon goût. C'est la grande messe du vélo, la grande messe de l'EPO. Vainqueur ira sa victoire, mais le kill ne marche qu'à l'aquarelle. Mais durant la contre-expertise, on prendra notre bêtise. Tiki, VDB. Nous garde en vie, faut se crisser de ce que le monde en dit. Il ne faut jamais abandonner. et continuer de persévérer devant nos opinions, peu importe ce qu'ils diront. Fonder à ses convictions.